Mardi 26 juillet 2016, bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français. Et sans tarder, en voici le sommaire. Deux journalistes du journal en ligne Info Grand Lac sont malmenés. Dans ce journal, on parle de Jean-Louis Guilimana, collaborateur dans ce journal et travaillant au groupe de presse Iwachu, qui a été arrêté vendredi à Bugarama en province Muramvya. Reporters sans frontières disent que ce journaliste est détenu par les services nationaux de renseignement à Muramvya. Le porte-parole de la police nationale affirme que ce journaliste n'a pas été arrêté par les forces de l'ordre. Antoine Kabura, rédacteur du groupe de presse Iwachu, demande que la vie de Jean-Louis Guilimana soit préservée. Dans ce journal, on parlera également de Nestor Ndayitwayeko, correspondant de ce journal en ligne à Rutana, qui a été tabassé hier soir par le commissaire de police. Dans ce journal, on parlera également de certains élèves finalistes des humanités techniques et générales qui se préparent à l'examen d'État, qui disent éprouver des difficultés car certains ont été renvoyés des écoles et craignent déjà de mauvais résultats dans cet examen qui se fera du 1er au 4 août prochain. Dans ce journal, on parlera également des grognes du député Pascal Bizumuremyi, élu dans la province Ruyigi, dit qu'il est malmené partout. Il se trouve dans cette province par l'administration provinciale. Le gouverneur de cette province de Ruyigi explique que ce député tient des réunions clandestines et conseille à tous les députés à travailler ensemble en tant qu'élu du peuple. Dans ce journal, on parlera également de la chronique santé. La deuxième partie nous parlera du traitement et de la prévention de l'AVC qui est un accident vasculaire cérébral. Vous aurez les détails dans ce journal mis en onde par Albert Ndouayo. À la présentation, Mireille Kanyang, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir, page média pour débuter ce journal. Le journaliste Jean-Louis Guilimana, ancien journaliste de Réma FM et aujourd'hui collaborateur dans le journal en ligne Info Grand Lac et travaillant pour le groupe de presse Iwachu. Il a été arrêté vendredi à Bugarama en province Muramvya. Dans un communiqué sorti par Reporters sans frontières, cette organisation indique que ce journaliste est détenu par les services nationaux de renseignement à Muramvya. Et le porte-parole de la police nationale affirme que ce journaliste n'a pas été arrêté par les forces de l'ordre. Le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngurikiye, appelle plutôt la famille de ce journaliste à collaborer avec la police pour de plus amples enquêtes. Et le directeur du groupe de presse Iwachu, Antoine Kabouraé depuis Bruxelles, où il se trouve, demande que la vie de Jean-Louis Guilimana soit préservée. Le Burundi, dans ce rapport de Reporters sans frontières, il indique que le Burundi a perdu 11 places en 2015 de la 156e position sur 180 au classement de la liberté de la presse établi justement par Reporters sans frontières. Et de son côté, le directeur AI du groupe de presse Iwachu indique qu'il ignore lui aussi là où le journaliste Jean-Louis Guilimana serait détenu pour le moment. On suit Léandre Sikuyavuga, c'est le directeur AI du groupe de presse Iwachu. Et la situation actuelle, c'est que jusqu'à présent, on n'est pas au courant de là où se trouve notre journaliste depuis vendredi. Nous avons essayé de chercher à gauche à droite au niveau des instances habilitées, mais jusqu'à présent, personne ne nous dit là où se trouve notre journaliste. On a contacté la police et le service national de renseignement. On nous dit qu'eux non plus ne sont au courant de cette situation. Donc jusqu'à présent, on continue toujours à demander à gauche à droite s'il y a quelqu'un qui connaît ou bien qui a une information avec le lieu de sa détention, qu'il puisse nous le dire. Leandro Sikuyavuga, c'est le directeur AI du groupe de presse Iwachu. Autre journaliste, c'est Nestor Ndayitwaye, co-correspondant du journal Info Grand Lac à Rutana, qui a été tabassé hier soir par Leandro Nkurunziza, commissaire de police dans la province de Rutana. Ce journaliste demande que sa sécurité soit garantie au moment où, ce matin, le même commissaire lui a proféré des menaces de mort. Il demande à la justice à Rutana de se saisir de son cas. Suivez Nestor Ndayitwayeko, joint au téléphone par Marie-Ange Nzeimana. Je revenais de Bujumbura où j'étais allé me inscrire au CNC comme tous les autres journalistes le font. Je suis passé dans un bar avant d'arriver à la maison. Alors que j'allais régulariser ma facture, un officier de police du commissariat Rutana, Leandre Nkurunziza, m'a demandé en ce terme en plein air, « Dégoumé, Shemakuru, Adjoukourike, aha !» Ce qui veut dire, qu'est-ce que ce journaliste cherche ici? Tout à coup, ils m'ont violenté à mon frappant à la poitrine. Ceux qui étaient présents lui ont demandé la raison du geste qu'ils venaient d'opposer. Parmi eux, il y avait un fictif du procureur ici à Rutana qui a demandé pourquoi ce qui m'inquiète le plus. Ce matin, il a garé son véhicule tout près de moi et m'a menacé à me dire ces mots. Ce mot, vous faites les mains, il est couronné de la main, il fait qu'à vous faire. Ce qui veut dire, Omer, une fois, je vais à Gitega chercher un mandat pour que tu sois aux arrêts. Ce que je demande, c'est que ma sécurité soit assurée et que cet officier de police assume la responsabilité de ce qui peut m'arriver. Le CNS, un journaliste n'est pas un ennemi de la population. Un journaliste est une personne comme les autres. Il faut que la CNS prenne des mesures pour que nous soyons protégés. Ça, c'est dit. Je lance un cri d'alarme à la police. La police est là pour nous protéger. La police est là pour protéger la population. Moi aussi, je suis parmi cette population. Il faut que la police me protège. Il faut aussi que la justice réagisse. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique de ce journal, grogne du député Pascal Bizumuremi, élu dans la province Ruigi. Il indique qu'il est malmené partout où il se trouve dans cette province par l'administration provinciale. Selon cet élu du peuple, les cadres issus du parti CNDD-FDD qui font cela craignent que l'effectif des membres du FNL Pro Agathon Rwasa augmente dans cette province. Le gouverneur de la province Ruigi explique que ce député tient des réunions clandestines et conseille à tous les députés à travailler ensemble en tant qu'élu du peuple. C'est un reportage de Jean-Claude Chimiliman. Le député Pascal Bizumuremi, élu dans la circonscription de Ruigi sur la liste de la coalition Amizero Yabarundi, dit qu'il a été encore une fois malmené dimanche dernier. Selon ses dires, le gouverneur de la province Ruigi, en collaboration avec un agent du Service national de renseignement, l'a accusé de tenir une réunion illégale. Alors, là-bas à Ruigi, j'ai comme mission de contacter le Jack Fabrique de briques cuites de Ruigi. Il y avait tout près un cabaret quand même, du chef de quartier. Entré dans ce cabaret, subitement, j'ai vu un homme avec un téléphone, il s'est pointé à 5 mètres. Puis il a commencé quand même de nous calmer. Alors il a posé une question. Pourquoi est-ce que vous faites quand même cette mauvaise action? Il a répondu non, c'est ce que je fais, c'est mon métier. Et j'ai vu un message dans le gouverneur. Ce message disait ceci. Monsieur Honorable, je vous demande de dire à toutes les personnes qui étaient avec vous en train de suivre la réunion préparée illégalement. Demain matin, qu'il vienne chez mon bureau. J'ai déjà entendu que les membres du parti CNDD-FDD doivent essayer de chercher autre moyen afin de m'arrêter. C'est-à-dire en fait, de chercher des voies d'une façon brutale. De son côté, Abdallah Hassan, gouverneur de la province Ruigi, affirme sans embâge que le député Pascal Bizumuremi était en train de tenir une réunion à l'insu de l'administration. Si je reviens sur le comportement du député Pascal, il tient des réunions clandestines. Le cas frappant, c'est le dimanche passé où il a tenu une réunion dans le quartier Gassanda où le service chargé de renseignement a pris des photos pour témoigner réellement qu'il était en train de tenir une réunion. Le conseil que je peux donner à ces députés élus dans Misero Yabarundi, ils doivent se comporter comme un député élu et non pas comme un partisan de Misero Yabarundi. S'ils veulent faire des activités au niveau de la province, ils doivent le faire avec le député élu pour le parti CNDD-FDD. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Nshimirimana, page éducation sans transition. Certains élèves finalistes qui se préparent pour l'examen d'État disent que les conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler ne leur permettront pas d'avoir de bons résultats puisqu'ils ont été renvoyés chez eux pour préparer cet examen à la maison. Les responsables de ces écoles disent qu'il n'y a pas de moyens et que cela se fait d'habitude, arguant que la période de l'examen d'État est postérieure à la fin de l'année scolaire. C'est un reportage signé Alain Désiré Boukéenéza. Certains établissements secondaires ont renvoyé leurs élèves finalistes qui se préparent pour l'examen d'État. Il s'agit, entre autres, de l'ETS Kamenge à Bujumbura et l'école normale Mweya à Gitega. Ces élèves qui ont été renvoyés rencontrent beaucoup de difficultés pour pouvoir préparer cet examen prévu du 1er au 4 août 2016 dans tout le pays, comme le dit l'un de ces élèves. Notre directeur nous a envoyé à la maison au 4 juillet. Il nous a dit que nous allons retourner à l'école en attendant la date de l'examen d'État. Il nous a dit que l'image de la radio pour nous c'est pas facile parce que à la maison il n'y a pas de l'électricité. Le directeur de l'école normale Mweya fait savoir que les élèves sont habitués à préparer l'examen d'État chez eux et cela n'a aucune incidence sur les résultats. Namba et Gaspard. Les élèves finalistes et aussi devraient rentrer en vacances parce que le calendrier scolaire prenait fin. Comme ça se faisait même les années passées, tous les élèves rentraient en vacances, appelaient les élèves et retournaient et préparaient l'examen d'État pendant une ou deux semaines. Vous dites que cela peut avoir une incidence sur les réussites. Moi, je ne dirais pas comme cela. L'année passée, les élèves sont rentrés en vacances. Ils sont revenus une semaine avant la passation. Les résultats étaient satisfaisants. Nous avions 139 candidats. 131 ont pu avoir un diplôme d'État. Le porte-parole du ministère de l'Éducation indique que cela ne concerne pas son ministère. Juma Edouard dit que ce sont les écoles qui s'organisent pour la prise en charge des élèves pendant cette période parce que, continue-t-il, l'année scolaire étant déjà écoulée. Page sécurité de ce journal. Des coups de feu ont été entendus le matin de ce mardi au chef-lieu de la province Muramvya. Il s'agissait, selon les sources sur place à Muramvya, d'un homme du nom de Gaspard, originaire de la province Ngozi, qui était emprisonné au cachot de la documentation à Muramvya. Il aurait tenté de s'enfuir et la police a tiré pour l'arrêter. Selon le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngurikiye, cet homme était détenu depuis hier soir à Muramvya, mais dans le cachot de la documentation, parce que la documentation n'a pas de prison au chef-lieu de cette province. La police burundaise affirme avoir appréhendé des femmes et filles qui se rendaient en Oman ou au Koweït. Elle a aussi arrêté des migrants clandestins. Tout se faisait dans le cadre de lutte contre les crimes transnationaux à travers une opération dénommée Oussalam 3. Parmi les crimes visés par cette opération figurent notamment le trafic des humains et la migration clandestine, le trafic des drogues, le terrorisme et les malfaiteurs en fuite. Elle a été menée dans 26 pays de l'Afrique de l'Est et du Sud, dont le Burundi. Léonce Vitalio nous dit les détails. Selon le communiqué lu par le directeur général de la police, l'opération Oussalama 3 s'est penchée sur 6 crimes transnationaux, notamment le trafic des humains et les migrations clandestines, le trafic des drogues, la prolifération des armes légères et de petits calibres, le terrorisme et les malfaiteurs en fuite, etc. Le directeur général de la police, André Ndayambaje, nous parle des résultats au niveau du Burundi. Il commence par le trafic des humains et la migration clandestine. 12 femmes et filles burundaises ont été appréhendées en RDC à Goma. 4 femmes burundaises ont été interceptées à l'aéroport international de Bujumbura et 3 personnes qui les accompagnaient ont été appréhendées pour des réseaux d'enquête. 5 filles qui se rendaient en Tanzanie ainsi que 3 complices de ce trafic ont été interpellées à Mabanda. Concernant la migration clandestine, 5 personnes dont 3 de nationalité congolaise, un Rwandais et un Tanzanien ont été interpellées par la police. Plus de 950 boules de cannabis et 581 kilos de chanvre à fumer ont été saisis selon encore André Ndayambaje. 10 suspects dans le trafic de drogue ont été appréhendés pour des raisons d'enquête. Le directeur général de la police évoque également des grenades qui ont été saisies. 5 grenades d'origine chinoise ont été saisies dans la province de Bujumbura Rural pour le terrorisme et les malfaiteurs en fuite. Pendant l'opération Salama 3, aucun cas de terrorisme n'a été enregistré, mais un fugitif du nom de Ndahiruki Richard, qui était recherché par la justice, a été arrêté en commune Rusaka de la province de Moaro. L'opération Salama 3, regroupant les responsables des polices, a eu lieu dans 26 pays d'Afrique de l'Est et Australe, avec comme objectif commun la lutte contre les crimes transnationaux. Merci à Léonce. 8h en province, Muyinga, mineur détenu à la prison de Muyinga, est décédé à l'hôpital de cette province dans la soirée de ce lundi, quelques temps après son transfert à partir de la prison. Certains détenus parlent de la conséquence de la négligence des agents de la prison, une allégation rejetée par la direction pénitentiaire. Un reportage de Dieudonné Nzeiman depuis Muyinga. Elias Nishemezwe, mineur de 17 ans, est décédé à l'hôpital de Muyinga lundi vers 19h, quelques heures après être transféré à l'hôpital. Des sources à la prison de Muyinga indiquent que Elias a été transféré tardivement en état comateux alors que les prisonniers avaient longuement réclamé son transfert depuis le matin. D'après les mêmes sources, des cas de prisonniers sont négligés ici et les rappellent le décès d'un autre prisonnier survenu le 19 mai à la direction de la prison. On rejette cette accusation de négligence en cas de maladie. Le prisonnier est d'abord suivi au sein de l'infirmerie de la prison qui décide des cas à référer comme ça se fait dans d'autres centres de santé. Le disparu a rendu l'âme étant déjà arrivé à l'hôpital et le prisonnier décédé à mai a été victime d'une infection après extraction de dents à l'hôpital. Le jeune homme décédé ce lundi est originaire de la commune de Brambalago en province de Kirundo. C'était en prévenu, poursuivi pour participation aux bandes armées. Il séjournait en prison depuis juin. Son arrestation avait surgi lorsqu'il rentrait de la Tanzanie en compagnie d'autres jeunes, affirmant être parti dans son pays travailler dans des plantations de tabac. La famille est rentrée avec la dépouille mardi matin. Dieudonné Nzeimana, Muyinga, Radio Isanganiro. Quittons le nord du Burundi pour nous rendre un peu plus au centre du pays où une personne a été arrêtée en commune Bukirasazi mercredi de la semaine passée par l'administrateur de cette commune en compagnie du chef de poste adjoint de la police dans la dite commune. Genda Banyikware Verrien serait accusé de participation aux manifestations de Bujumbura d'avril 2015 selon sa famille qui ignore jusqu'ici où il serait détenu. L'administrateur de la commune Bukirasazi parle d'un montage, comme nous le dit Arthur Kavabushi, notre reporter au centre du pays. Les informations en provenance de la famille de Ngendakuri Réveillien disent que l'administrateur de la commune Bukirasazi, Abunarugira Swabis, ainsi que le chef de poste adjoint de la police dans cette commune étaient en train de le rechercher. Ces mêmes informations font savoir que l'inculpé a été trouvé chez lui mercredi de la semaine passée vers 16h par l'administrateur en personne et le chef de poste adjoint de la police dans la commune et qu'il a été conduit au chef-lieu de la commune Bukirasazi. Notre source indique qu'à la commune, il a reçu un ordre de signer sur un écrit dont il ignore le contenu et qu'à 17h, il a été embarqué à bord d'un véhicule qui a pris la direction de Gitega. Sa famille dit qu'elle ignore où il a été conduit et qu'il se pourrait même qu'il ait été tué. Cependant, un des membres de la famille fait savoir que le leur serait accusé de participation au mouvement insurrectionnel de Bujumbura et que depuis son arrestation, ils ont essayé d'aller voir l'administrateur pour lui demander le motif de son arrestation et où il a été conduit, mais en vain. Amunarugira Swavis est l'administrateur de la commune Bukirasazi. Il fait savoir qu'elle n'est au courant de rien et que ce sont des montages. Cette autorité communale dit qu'aucun membre de cette famille n'est venu lui parler de cette situation. Arthur Kavabushi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Cette fois, c'est rendons-nous en province Bubanza pour parler de cette vieille femme qui répond au nom de Nobga Meliane de la colline Buramata en commune Gihanga de la province Bubanza qui reconnaît avoir déchiré 790 000 francs burundais et de les avoir jetés par la suite dans les latrines de l'école fondamentale de Buramata. Cela a été dit au cours d'une réunion de sécurité tenue à Bubanza ce mardi. Le gouverneur de la province Bubanza appelle les voisins et les familles de cette vieille femme de l'approcher et de l'assister. Un reportage signé Spes Caritas Kabanyana. Les uns disent qu'elle aurait un problème mental, les autres parlent d'une dépression un peu exagérée. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas normal de déchirer de l'argent et de le jeter dans les latrines, comme le disent les défenseurs des droits humains dans cette province de Bubanza. Il s'agit d'une veuve qui répond au nom de Nobga Meliane de la colline Buramata, en commune Gihanga, de la province de Bubanza, qui reconnaît avoir déchiré la semaine passée 79 billets de 10 000 francs au total, une somme de 790 000 francs burundais, et les morceaux ont été jetés dans les latrines de l'école fondamentale de Buramata, tout près de son domicile. Interrogée à propos de cet acte, elle a répondu aux administratifs à la base qu'elle ne voulait pas que ses frères récupèrent cet argent après sa mort

collaborateur dans ce journal et travaillant au groupe de presse Iwachu, qui a été arrêté vendredi à Bugarama en province. Muramvya, dans un communiqué, Reporters sans frontières a dit que ce journaliste est détenu par le service national de renseignement à Muramvya, au moment où le porte-parole de la police nationale affirme que ce journaliste n'a pas été arrêté par les forces de l'ordre. Pierre Nguriki appelle plutôt sa famille à collaborer pour les enquêtes. Reporters sans frontières demande la libération immédiate de ce journaliste. Et le directeur du groupe de presse Iwachu, Antoine Kaburahie, demande que la vie de Jean Bigirimana soit préservée. Dans ce journal, on a également parlé de Nestor Ndayitwayeko, correspondant de ce journal en ligne Info Grand Lac à Rutana, qui a été tabassé hier soir par le commissaire provincial de police. Et voilà. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Ndouaï pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.